Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On s'entube, l'émission consacrée à YouTube et à ses créateurs. Autour de la table, beaucoup de monde ce soir pour le marathon de Radio Campus. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On a autour de la table maintenant Léa. Oui, bonjour. On a maintenant aussi Steven qui est présent avec nous. Oui, en tant que créateur nul à chier. Le clap de fin qui nous fait le plaisir, youtubeur, de... Déjà, on va se calmer, c'est le clap tout court. C'était l'ancien... Bonjour à tous. Ico, iconoclaste de la chaîne Trash, qui est aussi sa chaîne personnelle. Le micro sent mauvais. Ah, bonjour. C'est normal, c'est Radio Campus. Et enfin, Mr Flesh qui nous fait aussi le plaisir, le nouvel invité de cette soirée spéciale consacrée à YouTube. Et sans voix accélérée en plus, donc faudra pas être choqué. Oh. Salut à tous, c'est Mr Flesh. Ce soir, on va parler de YouTube sous toutes ses formes, on va parler de créateurs, on va parler de contenu et on va aussi parler de vous, les YouTubeurs. Grâce aussi à nos chroniqueurs autour de la table, on va essayer de toucher du doigt qu'est-ce que c'est d'être YouTuber en cette année 2018. Et on va commencer par des petites questions. Le clap, Ico, vous étiez des anciens étudiants sur le campus de Montaigne-Montesquieu. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici ? Beaucoup de sueur froide, de très mauvais souvenirs et plus jamais. Plus jamais ? Ouais, sauf pour Radio Campus Bordeaux, évidemment, ça va de soi. Pour préciser, du coup, tu étais étudiant en droit ? Ouf, je fais plein de trucs, moi. Tu as fait aussi le CAPES aussi, si je dis pas. J'ai fait, j'ai, alors, droit, Sciences Po, droit public et j'ai fait métier de l'enseignement. Oh, ça a l'air chiant. Ouais. J'irai pas jusque-là. Et tout ça pour finir YouTubeur, c'est beau. C'est... Oh! D'ailleurs, est-ce que ces études t'ont permis de concrétiser quelque chose par rapport à YouTube? Est-ce que ça t'a aidé un petit peu à concevoir quelque chose? Ça t'a apporté? Ça m'a apporté une rigueur à l'écrit, pour écrire mes textes, pour pouvoir monter des textes qui soient cohérents, avec des idées bien claires et un argumentaire qui va de A jusqu'à Z. Mais au-delà de la rigueur en soi, de la rigueur d'écriture, de la rigueur de recherche, ça m'a... Bon, c'est déjà très bien, hein, tu me diras, mais ça m'a pas apporté plus que ça. D'ailleurs, le clap, on en vient à toi. Tu as été étudiant en droit, puis ensuite à la fac de cinéma de Bordeaux-Montaigne. Et maintenant, tu es étudiant à ICAR, l'école de cinéma. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi, en fait, en termes de réalisation? Puisque tu fais aussi énormément de courts-métrages, énormément de chroniques avec beaucoup de fiction à l'intérieur. Est-ce que ça t'a donné un petit goût pour la réalisation que tu n'avais pas forcément avant? Alors, je me permets juste de te corriger, j'étais en fac de lettres. Ah bah bravo. Cinéma. Ah pardon. Mais c'est moi qui écoute mal. C'est moi qui lui ai donné ces infos. Mais ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté surtout un sens au niveau de l'analyse. Donc vu qu'en fac de lettres, on passait énormément de temps à analyser à la fois des textes, mais également dans certaines options des films. Donc ça m'a permis d'aiguiller un petit peu mon sens de l'analyse. Mais peut-être aussi une plus grande ouverture par rapport à des œuvres sur lesquelles j'avais pas vraiment d'intérêt au début. Mais par rapport à tout ce qui est la fiction et par rapport au cinéma, ça m'a apporté un petit peu, mais pas autant que ça aurait pu l'être que je pensais au départ, quoi. D'accord. Léa, oui, tu avais une question? Oui, et maintenant que tu as l'ICAR, qui est une école de management culturel et de marché de l'art, est-ce que ça t'apporte aussi au niveau peut-être de la communication et de ce métier du marketing, en fait, pour... Alors, ta chaîne? Je suis désolé, mais je vais encore te corriger, je suis à l'ICAR. Ah, à l'ICAR. ICAR. Ah fait, oui, bah, ça a été mal dit. Avec alors. Un E. Okay. Et c'est une école de cinéma qui se trouve sur les quais de Bordeaux. Et c'est vraiment une école audiovisuelle où c'est une formation au niveau de la réalisation. Cette année, on se consacre sur les documentaires et sur les films d'entreprise. Mais et donc il y a un petit peu de communication justement. Donc, mais ce que ça m'a apporté par rapport à mon expérience à la fac de droit et fac de lettres, comme j'ai dit tout à l'heure, pas énormément, mais un petit peu plus de rigueur aussi au niveau de mon travail. Mais c'était pas le truc le plus optimal, quoi. Ok. Enfin, Mr Flesh, je connais pas forcément ton parcours avant YouTube. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu as l'occasion de faire avant de t'initier à la culture internet? Juste à côté, j'étais à Bordeaux 1, donc bon, je crois qu'il n'y a plus le 1 aujourd'hui, mais j'ai fait licence informatique, et ensuite master informatique option génie logiciel, puis après je suis allé en MMI, multimédia métier de l'internet, et aujourd'hui je suis à mon compte. Donc au final j'ai eu un parcours assez informatique dans mes études supérieures. Est-ce que ça t'a aussi peut-être apporté quelque chose, le fait en fait de toucher à l'informatique, peut-être pour YouTube ou pour faire du codage sur des sites, ça t'a peut-être donné quelque chose de, en plus ? Alors personnellement, évidemment, pour tout ce qui est programmation, etc., ça m'a apporté. Mais concernant mes vidéos YouTube, au final, ça m'a donné aucune compétence spéciale. D'accord, très bien. Écoutez, moi je vous propose d'enchaîner directement sur un sujet qui nous a tous concernés en tant que spectateurs et en tant que YouTubeurs cette année. On va parler de YouTube Premium. YouTube Premium, est-ce que quelqu'un a envie de résumer un petit peu qu'est-ce que c'est que YouTube Premium autour de la table ? Donc YouTube Premium, en fait, c'est un petit peu une des réponses de YouTube, parce qu'il faut savoir que YouTube ne gagne pas énormément d'argent, bizarrement. Et donc, ils ont fait un modèle payant où vous pouvez voir des contenus qui sont créés par souvent les créateurs sur YouTube. Là, c'est surtout des créateurs américains, même s'il y a eu deux séries françaises qui ont été faites. Je ne me rappelle plus des studios qui l'avaient fait. Mais donc on a ces contenus-là qui sont en train d'apparaître et il y a aussi des documentaires aussi qui sont faits. Il y en a un qui a été sorti là sur Ariana Grande parce que il y a de la pub partout sur YouTube avec ça. Et aussi il y a un autre service aussi qui s'appelle YouTube Music qui est disponible avec le YouTube Premium où vous avez le droit à accéder à de la musique et aussi pour le YouTube Premium aussi autre chose, vous pouvez sur votre portable par exemple le verrouiller et vous avez toujours le son de la vidéo, ce qui n'était pas encore disponible. Vous avez aussi pas de pub bien entendu, donc voilà, c'est tout un service qui est proposé là-dessus. D'accord. Ico, en mai 2018, au moment de la sortie du YouTube Premium en France et en Europe, tu avais fait ces déclarations au Board Geek Festival, c'était au micro de Radio Campus. Je vais te faire réécouter et on va en discuter autour de la table. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant à voir ce que ça va donner et si les gens vont effectivement passer sur ce modèle-là. Le seul intérêt éventuellement, ce serait d'écouter de la musique en illimité sans publicité et en tâche de fond sur un téléphone. Mais ça, Spotify le fait très bien. Donc à voir si les gens vont vraiment passer le cap. Surtout que je crois, si je dis pas de bêtises, il y a genre à peine... Alors, j'ai à peine, hein, mais à l'échelle des États-Unis, c'est pas énorme. Il y a une petite dizaine de millions de comptes premium YouTube Red, ce qui est pas mal, hein, mais... C'est assez peu par rapport au nombre de comptes américains et par rapport au Spotify Premium et Spotify Standard. Donc ça marche difficilement aux États-Unis. Je pense que ça pourrait trouver un public en France, à voir quelle serait la hauteur de l'investissement. Mais je trouve que c'est intéressant dans le sens où aujourd'hui la publicité rapporte de moins en moins. Donc passer vers un modèle Premium, ça peut être une sortie de secours. Ce qui peut être super intéressant par contre, et nous dans notre cas à nous aussi, ça pourrait être de proposer du contenu exclusif à YouTube Premium. Voilà, en accès que pour les membres du tutoriel, comme le fait Vsauce par exemple. 6 mois après ces déclarations, qu'est-ce que tu en penses, Ico ? Est-ce que tu es d'accord toujours avec ce que tu as dit ? Est-ce que tu penses toujours que YouTube Premium peut être un avenir pour YouTube ? Non. D'accord. Le truc, c'est que YouTube Premium s'est lancé. Les faits sont là. Il y a eu un petit effet. Hein. Il y a eu, malgré tout, il y a eu un petit effet qui s'est fait sur. Sur YouTube, à savoir au niveau de la monétisation, puisque lorsqu'on regarde dans nos analytics, on voit les revenus publicitaires et les revenus liés à YouTube Premium, qui étaient avant feu YouTube Red, enfin quand c'était juste aux États-Unis, c'était juste YouTube Red. Donc ça a augmenté, ça a drastiquement augmenté. Si on parle de pourcentage, on est à une hauteur d'une augmentation de 300 à 400% de ses revenus. Mais vu qu'avant ça générait maximum 1 euro. Maintenant on est sur au lieu de ça génère 1 balle par vidéo, ça génère 4 balles. Donc c'est bien, ça a augmenté, c'est cool, mais derrière vu qu'il y a des annulations de projets exclusifs et que c'est plus payant de toute manière pour accéder à ce service-là, on se retrouve avec un truc qui finalement ne propose que ce n'est qu'un bloqueur de publicité qui vous empêche d'avoir de la publicité et c'est un Spotify like. Alors effectivement, vous pourrez avoir toutes les musiques que vous voulez, par exemple j'en sais rien, je vais prendre un exemple au pif. Vous voulez écouter l'OST de Super Smash Bros Ultimate, vous pouvez pas le faire sur Spotify, ni Apple Music, ni nulle part, mais sur YouTube, vous pourrez le faire dans votre tramway, dans votre voiture, peu importe. Vous pouvez le faire sur YouTube. À savoir si c'est intéressant, je sais pas trop. On manque en fait de cette killer feature qui était promise, et puis ça tombe un peu dans l'oubli finalement, YouTube Premium. Léa, tu voulais réagir ? Oui, moi en tant qu'utilisatrice de YouTube et surtout pas YouTube Premium, il y a déjà énormément de services payants de streaming, que ce soit de musique ou de vidéo en fait. Et les pubs sur YouTube, bon, même si c'est relou, par exemple, qu'est-ce qu'on s'en fout d'en avoir, parce que déjà sur nos ordi, la plupart du temps, on peut les virer, et sur notre portable, ça dure tellement pas longtemps qu'on peut faire sans. Donc au niveau du bloqueur de publicité, c'est pas très intéressant. Au niveau des contenus qui sont mis en ligne, au niveau de la vidéo, de la création, etc., c'est encore très léger, et il y a quand même un truc, on reste quand même attaché au fait qu'on préfère payer pour un film que pour une vidéo YouTube. La qualité quand même, on l'estime en tout cas, hein, on l'estime quand même différente, et la culture YouTube, même si elle est de plus en plus ancrée dans notre société, on a quand même du mal à briller en société avec, et même nous on a du mal à être content d'avoir vu ça comme une culture réelle. Et au-delà de ça, pour la musique, effectivement, c'est cool d'avoir certains sons effectivement qui sont pas sur les autres plateformes, mais YouTube n'est pas assez bien fait aussi pour que ça soit vraiment un site de streaming musical. C'est-à-dire que Spotify, Deezer le font très bien vu qu'ils sont spécialisés là-dedans. Et par exemple, c'est facile de créer des playlists, des choses comme ça. Sur YouTube, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup moins ergonomique, etc. On n'a pas envie de payer pour un service comme ça. Je pense que ça s'est lancé surtout trop tard en France, parce que on paye déjà 10 balles pour Netflix, on paye déjà 10 balles pour Spotify, des choses comme ça. On n'a pas envie en plus de se rajouter pour au final pas avoir grand chose de plus. Voilà. Steven, tu voulais réagir aussi? Ouais, j'avais pris l'abonnement premium, vu qu'il y a eu un mois gratuit et que je suis un très grand fan de Mindfield, qui est l'émission de Vsauce. Très franchement, quand tu regardes le contenu qui est proposé, surtout au niveau des vidéos, c'est quand même très très très léger. Et c'est surtout un contenu qui... On sent que YouTube était là en mode « on va plaire aux adolescents, on va faire des contenus hyper drôles ». Là, j'avais vu une série un peu détective, avec comme si c'était vrai, mais en même temps un peu faux, etc. Et c'est dégueulasse, ça donne pas envie de regarder. Et ça touche personne, en fait, à force-là. Oui, surtout ça. Pardon, on t'a pas entendu. Oui, c'est surtout un format qui convient pas à YouTube, en fait. Ce genre d'épisodes, de séries, etc., pour moi, c'est pas quelque chose qui devrait être sur le site, en fait. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, et créer quelque chose comme ça, c'est juste essayer d'avoir des sous ailleurs et pas savoir comment s'en sortir, en fait. Leclerc, tu voulais réagir et moi, je voulais justement rebondir sur le fait que, oui, c'est arrivé trop tard, en fait. C'est parce que toutes les options que pouvait proposer YouTube Premium, elles peuvent être prises en compte par des applications tierces aussi sur les téléphones, etc. Par exemple, écouter de la musique sans verrouiller le téléphone, ça peut être pris en charge par des applications. Pareil pour télécharger les vidéos ou les sons. Donc c'est un peu ça le problème, c'est que c'est arrivé très tard. Les séries exclusives à YouTube Premium vont être disponibles gratuitement dès janvier. Mmh. Donc c'est aussi un petit peu un retour en arrière. Donc c'est comme si YouTube se disait oui, ça a un peu marché, mais au final, vu qu'on n'a pas eu les résultats escomptés, on repropose ces contenus gratuitement. Et c'est un peu dommage, quoi, parce que sur le papier, effectivement, il y avait des avantages et des choses positives, mais déjà, je trouve que ça n'a pas été très très bien communiqué aussi. Après, c'est un point de vue personnel. Mais le fait que ça arrive aussi tard, si ça a été fait dans les débuts de YouTube, ouais, il y a 5 ans, ouais, voilà. Si ça avait fait beaucoup plus tôt, peut-être que ça aurait pu beaucoup mieux marcher et peut-être qu'on aurait moins de soucis aussi aujourd'hui. Mais bon, ça c'est autre chose. Tu veux y réagir aussi, Ico? Oui, je trouve que c'est terrible quand même ce qui se passe avec ce YouTube Premium, parce qu'on en est à un point aujourd'hui où tout ce qu'a voulu lancer YouTube pour tenter de se diversifier, ça s'est lamentablement cassé la figure. Je pense du coup à ce YouTube Premium, mais on peut aussi parler de YouTube Gaming, si vous voulez, qui a existé et qui est même, je crois, le pire dans l'histoire, parce que YouTube Gaming, c'est... Ah, c'est terrible ce qui s'est passé. Il faut savoir que l'algorithme de YouTube, il est fait de sorte que si vous avez une vidéo qui a bidé, vous serez moins mis en avant. Ça peut arriver. YouTube se dit « Ok, t'es en train de te casser la figure, ça va pas mon grand. La prochaine, elle sera moins mise en recommandation. » Le truc, c'est qu'un stream YouTube qui va faire, j'en sais rien moi, 2000 viewers, c'est très très bien 2000 viewers. C'est incroyable 2000 viewers, mais ça fait 2000 vues. YouTube, il comprend pas. Du coup, YouTube se crée des bugs lui-même en créant des problèmes avec l'algorithme de tout seul. Et il y a des gens qui sont en train de quitter cette plateforme, parce que si vous voulez réussir sur YouTube Gaming, il faut faire que du stream. Il faut pas faire d'autres formats hors ligne. Du coup, c'est Twitch qui serait un peu prendre l'ascendant sur YouTube Gaming. Twitch, c'est un peu l'avenir, ouais, en termes. Ça a toujours été de toute manière la plateforme. Ouais, ça a toujours été là. Hein, mais du coup, ouais, ça renforce sa position là-dessus. Et puis je pense à un moment donné, quel que soit le site internet, faut arrêter de vouloir se diversifier. On est bon dans quelque chose, on le reste. Twitch est très bon en stream, je pense pas qu'ils vont se lancer dans des vidéos qui restent justement. Ils sont bons en stream, point. Spotify, ils sont bons en musique, ils restent en musique. Le fait de se diversifier, en fait, ça perd de la qualité, je trouve, sur les autres choses qu'ils créent. YouTube, je pense que c'est le problème, en fait. En fait, moi, surtout ce que je vois, et je pense qu'on va en reparler sur les deux autres problèmes qu'on va aborder, c'est que YouTube est tout le temps en retard. Ça fait des années qu'ils sont en retard. Le financement participatif, ils sont en retard. Le streaming, ils ont raté Twitch et ils lancent YouTube Gaming, ils sont en retard. Le premium, ils sont toujours en retard et ils savent pas faire un contenu qui va intéresser des gens qui veulent payer. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que YouTube ne sait pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller. Et que le problème, c'est que le streaming gratuit, que ça plaise ou non aux gens, ben malheureusement ça va pas assez payer parce qu'ils ont des serveurs gigantesques pour traiter des contenus divers et variés qui sont là aussi gigantesques. Ça leur coûte une maille infernale et au final avec toutes les décisions débiles qu'ils ont prises et en retard, et ben là en fait on les voit qu'ils sortent les rames et ils sont en mode aimez-nous s'il vous plaît, payez, faites quelque chose, je sais pas. Il faut aussi comprendre un truc, c'est que YouTube, ok, c'est un site qui est mondial, mais on n'est pas du tout les mêmes utilisateurs que les Américains, par exemple. Et ou ça, je pense qu'ils ont exemple, du mal, en fait. Ils ont du mal à comprendre qu'on ne fonctionne pas du tout pareil et ça devrait peut-être se recentrer par rapport au pays. Nous, on ne fonctionne pas du tout pareil que les Américains et les sites, on ne les utilise pas de la même manière et encore moins YouTube, et on le voit dans les tendances. Dans tous les peut-être cas. Une dernière déclaration avant de faire une petite pause musicale. Mr. Flash, je n'ai pas beaucoup entendu. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que YouTube est aussi le média le plus regardé de plus en plus par les jeunes. Donc effectivement, la position politique de YouTube de faire payer, ce n'est pas forcément adéquate pour les jeunes, je pense. Et d'autre part, effectivement, bon, ils ont été en retard sur pas mal de choses, ils ont loupé le créneau. Ils essaient aussi d'autres choses comme les t-shirts, etc., les espèces de boutiques en ligne. Oui. Mais c'est vraiment toujours du rattrapage de trucs qui existent déjà ailleurs. Donc, je ne sais pas trop comment YouTube peut se sortir de cette espèce de gouffre financier dans lequel il s'entasse un peu chaque année, parce qu'il cherche toujours son modèle économique, je pense. Mais voilà, quoi. J'aimerais juste rajouter un dernier truc. Je vous embête plus après. C'est pas si débile que ça de vouloir diversifier des activités. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent des trucs qui soient propres, enfin... à ce qu'ils proposent eux, à savoir de la vidéo. Ça sert à rien de copier son voisin pour pouvoir essayer de faire quelque chose qu'ils feront forcément moins bien. Et ce que je trouve bête aussi, c'est que derrière leurs décisions, elles sont aussi animées par une logique qui est de plaire aux ayants droit et aux publicitaires, dans la mesure où c'est par exemple le premium ou des trucs comme ça, c'est typiquement pour justement plaire à la publicité, et on se retrouve du coup avec des retards qui sont accumulés. Mais c'est pas des retards, c'est finalement, c'est la logique publicitaire qui amène ce retard-là. Et je crois que si on veut prendre la mesure du décalage qui existe entre YouTube et les viewers, il n'y a qu'à regarder YouTube Rewind 2018. Oui, je pense que c'est une très bonne façon de voir à quel point YouTube est un petit peu en retard par rapport à tout ça. On va faire une toute petite pause musicale. On va écouter Joji avec le morceau Attention et on revient juste après. So much to do. smile for you. Now would you hate me if I said goodbye so quick you could eat my dust? Now would you hate me if I ran like hell in the wind from dawn till dusk? When you cry, you waste your time over. Et on est de retour dans On s'entube, l'émission consacrée à YouTube et ses youtubeurs à l'occasion du marathon de Radio Campus Bordeaux. Autour de la table, toujours les mêmes intervenants, Léa, Steven, Le Clap, Ico et Mister Flesh qui sont là pour parler de YouTube et de qu'est-ce que c'est être youtubeur en 2018. Et un des sujets les plus clivants, un des plus effrayants même je dirais de cette année, ça a été l'article 13. L'article 13 qui est dépeint et décrit de façon immonde, horrible, comme une bête insatiable qui voudrait prendre nos droits d'auteur. Léa, tu t'es renseignée sur le sujet? Oui, un petit peu on va dire, parce que pendant un mois je crois qu'on a vu que des vidéos sur ça sur YouTube, de tous les YouTubeurs, hein, de n'importe quelle catégorie possible. On avait l'impression que c'était horrible, que c'était la fin de YouTube. Même YouTube eux-mêmes font encore des pubs sur cet article 13. Et justement je suis tombée sur une vidéo, je les ai à peu près toutes regardées, hein, et une vidéo du tatou, je sais plus, il y a les LQC dedans, mais il y a les autres et je me souviens plus des noms, mais en gros c'est un groupe de 4 mecs qui font des gros dossiers à certains moments, et donc là ils ont parlé de l'article 13 justement, et le but de ces vidéos là c'est de s'informer au maximum pour donner un avis objectif, ce qu'ils ont essayé de faire même si on comprend quand même leur intention. Ils sont renseignés auprès de la SCAM, YouTube, des parlementaires européens pour essayer d'avoir plusieurs avis possibles. Le but de l'article 13 en fait c'est d'imposer aux sites internet un respect strict des droits d'auteur, comme on peut voir par exemple en télévision, sur les contenus qu'ils diffusent, donc en gros protéger les artistes dont les œuvres finissent sur internet, soit en bloquant leur diffusion s'ils le souhaitent, soit en les rémunérant en fonction de eux, qu'est-ce qu'ils choisissent chaque artiste. Et justement un des gros points pour YouTube c'est que l'article 13 demande en gros aux plateformes de devenir responsables de ces contenus. Et donc là c'est un peu plus compliqué parce que responsable de ses contenus ça veut dire juridiquement responsable de ce qu'il y a dessus, donc c'est pour ça que ça a autant parlé au niveau de YouTube. Mais il faut remettre en contexte quand même, c'est un article qui est parmi d'autres en fait au sein d'une directive européenne, c'est pas comme une loi, c'est une directive qui va être votée par trois ensembles et qui va être ensuite, enfin c'est des textes qui vont être modulables en fonction des États membres de l'Union européenne, en fonction ben, justement de leurs ressources, de leurs besoins aussi et de ce qu'ils peuvent faire en fonction de ça. Le but c'est de protéger les petits et les gros créateurs, peu importe la plateforme, qu'il n'y ait pas de préférence à ce niveau-là. La directive elle a été présentée pour la première fois en 2016, donc il y a déjà bientôt 3 ans, et aujourd'hui la version finale n'existe pas, donc déjà tout ce qui a pu être dit en fait sur ça, faut quand même dire que bah pour l'instant il y a rien du tout qui est décidé, juste ils discutent. Du coup il y a 3 intervenants qui vont chacun donner une version du texte et de la directive. En premier c'est la Commission européenne, en deuxième c'est le Conseil de l'Union européenne et ensuite c'est le Parlement européen. Et donc pour l'instant ce qu'on a c'est juste les 3 versions de ces trois ensembles, mais le but quand même final c'est qu'il n'y ait qu'un seul texte, donc pour l'instant vraiment il n'y a rien du tout qui est décidé, ils sont toujours en pourparlers, il y a plein de choses, et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il n'y a aucune échéance de dite, c'est-à-dire que soit ça peut être l'année prochaine où ils vont voter le truc s'ils s'accordent, mais ça peut être dans 10 ans, pour l'instant il n'y a rien de fait, c'est pas du tout une de leurs priorités et on s'en doute bien. Donc le but, voilà, c'est d'avoir une version en gros finale qui va être ensuite réexaminée quand même par le Parlement européen et par les États membres, parce que bon, quand même, on fait partie de l'Union européenne, mais c'est cool qu'on ait un peu de droit décisionnaire dans ça, pour que ça soit validé. Donc pareil, ça c'est encore du temps si jamais ils trouvent déjà une version. Et ensuite, il faudra 2 ans pour le mettre en place. Donc tous les caractères urgents de toutes les vidéos qu'il y a eu, déjà c'est complètement de la fake news. Oui. Le but de cet article 13, il y a 4 points qui sont importants. Donc comme j'ai dit, c'est les plateformes responsables, donc légalement, de tous les contenus qui sont dessus. Sur YouTube, par exemple, ça pose problème, hein, parce que 400 heures de vidéo en une minute, c'est compliqué, hein, à gérer. Le but aussi, c'est bien sûr de rémunérer les droits d'auteur. Pourquoi ailleurs et pourquoi pas sur Internet ? Dans l'obligation aussi aux plateformes de coopérer avec les auteurs qui en font la demande, c'est-à-dire que chaque auteur pourra dire bah, ça c'est à moi, donc je veux pas qu'on l'utilise ou je veux qu'on me rémunère. Mm-hmm. Donc pour pas favoriser Ariana Grande, contrairement aux petits producteurs locaux. Et aussi de possibilité de faire un recours contre une décision prise par les plateformes, parce qu'évidemment il peut y avoir des soucis, etc. Et c'est quelque chose qui est en général difficilement gérable quand il y a ça. Donc il y a quand même cette possibilité-là de prise en compte. Déjà là ils ont des avis un peu différents aussi par rapport aux sites qui seront touchés. Le Parlement et le Conseil, ils veulent quand même exclure certaines plateformes, dont les plateformes à but non lucratif comme Wikipédia, parce que Wikipédia serait touchée quand même aussi, donc oui, c'est oui. assez grave. Le Parlement en plus veut exclure les petites et moyennes entreprises pour pas justement les pénaliser, parce que les droits d'auteur c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Et par contre, la Commission européenne, eux, aucune exception. Ils s'en fichent, ils veulent tout faire. Donc déjà sur ça, il y a un gros point de désaccord. Et là, il y aura quand même, je pense, plusieurs mois de pourparlers. Ce qu'ils veulent quand même, c'est garder le droit à la parodie, au détournement, à la citation, à la critique, à la liberté d'expression. Le but, c'est pas de bloquer les créateurs de contenu. C'est pas leur but, c'est juste de rémunérer ceux qui ont déjà créé du contenu et qui veulent pas forcément le retrouver partout gratuitement. Ce qui est logique, je pense, en tout cas. Donc les plateformes vont avoir un statut d'hébergeur différent et surtout un statut d'hébergeur des droits d'auteur. Donc ça va changer des choses aussi au niveau de la rémunération. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une part que prend YouTube, il y a une part qui reverse bien sûr aux créateurs. Et là, la part des droits d'auteur, ça sera une partie dans ce qu'ils versent aux créateurs, mais aussi une partie dans eux, ce qu'ils reçoivent pour YouTube de leur entreprise. Donc ça pose problème bien sûr pour leurs moyens financiers. Apparemment déjà ça va pas bien, donc ça va pas les aider. Il y a aussi deux choses qui sont pas encore décidées. Est-ce que on autorise quand même les plateformes à faire leurs meilleurs efforts pour arriver à ce but de droit d'auteur, ou tout bloquer et les rendre complètement responsables de tout? Et dans ces cas-là, ça poserait problème, parce que bien sûr on prend l'exemple sur YouTube Content ID, qui déjà essaye de gérer. Il nous explique bien que sur la musique ça fonctionne à peu près. Par contre sur certains bâtiments non, parce que certains bâtiments oui, sont protégés par le droit d'auteur. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et après, j'ai pas voulu trop m'étendre sur la pub de YouTube, mais il faut bien savoir que c'est complètement du lobby, qu'ils ont envoyé quand même des mails et qu'ils font toute une pub là-dessus. Alors que d'une, c'est pas grave, et deux, ils diffusent des fake news pour que les créateurs se sentent concernés, alors qu'au final les créateurs le seront pas forcément tellement, bien sûr pour certaines choses, mais ils sont déjà bloqués par exemple pour les musiques, donc déjà ça virerait. Et par exemple pour les bâtiments, bon, c'est quand même quelque chose, on peut regarder, etc. Et puis souvent, c'est pas ce que tu vois le plus sur les vidéos YouTube des bâtiments. Ils ont plus un décor que des bâtiments. Et donc, quand on voit les vidéos YouTube sur l'article 13, c'est surtout, non, il faut pas de marque, etc. Mais il y a un truc que j'aimerais quand même repréciser, les droits d'auteur sont complètement différents du droit des marques. Voilà. Merci Léa. Autour de la table, est-ce que du coup, on est face à une européanisation du Content ID ? Voilà. Merci. Maintenant une musique. Sérieusement, l'article 13, est-ce que vous vous êtes senti concerné en fait? Quand c'est sorti dans la presse, quand on a commencé à en parler, est-ce que ça a commencé peut-être à vous faire peur, ou est-ce que c'était peut-être quelque chose qui vous semblait plutôt quelque chose de pas trop inquiétant sur le moment? Moi concerné, déjà quand j'ai vu ça au premier abord, j'ai été un petit peu effrayé, on va dire, parce que même si moi je suis sur YouTube mais pas de manière professionnelle, c'est pas mon métier, c'est pas mon gagne-pain, c'est juste un truc à côté de ma vie étudiante. Mais moi le seul truc que j'ai vu au début, c'est que l'article 13 c'était pas accessible en fait, c'est-à-dire que je n'ai pas compris au début toutes les prérogatives qui découlaient de cet article, et c'est ça qui me manquait au début, c'est que je ne savais pas exactement ce que ça allait pouvoir changer sur la plateforme. Et encore aujourd'hui, de mon point de vue, c'est assez flou encore. Donc c'est ça mon problème avec cet article, c'est que je ne comprends pas tout. Je ne sais pas ce que ça va changer concrètement. Est-ce que ça va m'influencer moi? Et c'est ça pour moi le problème, c'est que je ne sais absolument pas ce que ça va changer en fait. D'accord. Est-ce que, par exemple, Mr. Flash, toi tu parles énormément de jeux vidéo, est-ce que l'article 13 pardon, pourrait aussi te concerner en termes de droits d'auteur sur les jeux vidéo et sur les loisirs vidéoludiques, pour utiliser des termes très spécifiques? Alors déjà, lorsque l'article 13, justement, on en a beaucoup parlé, je l'ai pris avec beaucoup de recul dès le début, parce qu'effectivement, je me demandais un petit peu ce que c'était ce truc, et si vraiment il y avait nécessité de s'en inquiéter tout de suite, ou si au final c'était juste des choses qui existaient déjà avec le Content ID, et au final ça n'avait pas changé tant de choses que ça. Après, concernant justement le contenu vidéoludique, il y a des éditeurs qui justement autorisent qu'on puisse mettre des extraits de jeux vidéo de leur jeu, tout simplement. Donc au final, il y a de plus en plus d'éditeurs qui sont permissifs, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de soucis. Après, c'est toujours assez flou, même avant l'article 13, en fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien parfois avoir des extraits de vidéos qui sont copyrightés sans qu'on le sache forcément, ou alors qu'on ait envie de mettre juste des petits extraits de musique et que sur 5 secondes, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc au final, on a toujours eu cette espèce d'épée de Damoclès à chaque publication de vidéo. Et du coup, l'article 13, je voyais pas qu'est-ce que ça allait changer de plus ou de moins par rapport à ce qu'il y avait déjà sur YouTube. Mais ouais, là c'est surtout que du coup c'est plus le créateur qui est responsable de sa vidéo et du coup des extraits qu'il met qui n'auraient peut-être pas le droit, c'est surtout YouTube, et du coup bah, les strikes, etc., enfin tout ce qui pourrait se passer, ça serait fait complètement différemment en fait. Donc limite, ce serait plus avantageux pour les créateurs vu qu'ils seraient plus responsables de, on va dire, la connerie qu'ils font, alors qu'ils sont pas du tout au courant déjà de base, mais ce serait différent en tout cas sur ça. Je comprends. Tu voulais réagir aussi, Steven ? Ouais, et surtout, avec l'article 13, il y a deux choses. Déjà, de un, YouTube a fait du lobby pour YouTube. Parce que là, clairement, c'était « Ah, mais vous voyez, on est sympa chez YouTube, on aime nos créateurs. Les ayants droit, franchement, c'est vraiment des connards. Comment ça, on vous prend votre argent ? Non, non, c'est l'article 13, madame, regardez vers là. » Donc déjà, il y a eu toute cette pub, et j'ai même pas envie de leur donner le crédit d'avoir pensé à l'article 13 en premier, parce que je crois que c'est certains YouTubeurs déjà qui étaient inquiets, et je crois qu'ils ont dû juste choper ça, ils ont fait « Ouh, putain, la pub, dis donc !» Et de deux, l'article, je trouve qu'il est un peu flou, parce que ça parle de droit à la critique, à la citation, au détournement, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en algorithme ? C'est ça le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire en format algorithme ? Parce que tu peux mettre tout ce que tu veux, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Tu peux dire « Ah, ben ça, c'est de la parodie, alors que tu as changé trois notes à une chanson. » Tu peux, enfin, il y a plein de choses. Et il faudrait que les politiques se rendent compte que Internet peut pas marcher avec juste un concept. Il faut que ça marche avec des chiffres, avec un algorithme. Et ça, dans cette loi, il n'y a rien. Donc, c'est un premier pas, ça c'est bien, mais je pense que les politiques, mais aussi les vidéastes, aussi en général, doivent aussi commencer à parler de ça, en fait. À parler de qu'est-ce qu'on doit mettre en protection, en fait, pour les créateurs, contre des choses comme YouTube qui prennent avec un Content ID où on ne sait pas du tout comment c'est foutu, en fait. Essayer de voir pour limiter ce genre d'appropriation de la création, parce que « Oh, t'as mis 5 secondes de ma chanson dans ton film de 2h30, je prends toute ta monnaie. » Il faudrait qu'il y ait une loi qui soit concrète dessus et qui soit plus précise. Et déjà, autour de la table pour le clap ICO et Mr. Flash, quelles solutions déjà existent pour essayer de garder un minimum de droits sur vos publications, sur vos vidéos? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Bah, c'est compliqué. Moi, déjà, vis-à-vis de cet article 13, parce que j'ai pas dit, j'étais très, très en colère. Pas contre l'article 13, mais contre ce qui était en train de se passer autour de cet article 13. Parce que l'article soit volontairement flou, parce qu'il est volontairement flou, en fait, cet article 13, pourquoi ? Parce que c'est du droit européen et qu'il faut qu'il soit flou pour qu'il y ait la latitude aux États membres d'appliquer la directive via une loi ou un autre texte législatif qui viendra en application de ça. Donc, qu'il y ait eu des remous là-dessus, moi, ça m'a beaucoup gêné, parce que quelque part, ce qui est important dans l'article 13, c'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il veut faire. C'est plutôt l'intention qu'il a qui a à regarder plutôt que vraiment ce qu'il dit, parce qu'en soi, il dit pas grand-chose. Il dit même rien. que Clap ou n'importe qui ici n'ait pas compris ce qu'ils veulent dire dedans, c'est normal parce qu'il ne dit rien de concret. Moi, ça m'a énervé aussi parce qu'il y a eu une énorme réutilisation de la part de YouTube pour se donner une bonne image de protecteur des ayants droit et surtout des petits créateurs. Ce qui est assez cocasse, mine de rien, pour une entreprise qui ne paye pas ses impôts dans les différents États membres. C'est vrai. C'est plutôt cocasse quand même de défendre les ayants droit quand justement on fait tout pour pouvoir verrouiller l'accès au Content ID. Moi, je trouvais ça assez cocasse aussi, enfin, vis-à-vis d'une société qui permet des strikes par des sociétés qui vivent actuellement de la récupération des droits d'auteur de manière tout à fait contrefaite. Ça m'est déjà arrivé de me faire prendre la monétisation d'une vidéo. Une vidéo sur Pokémon, tiens, justement, mais pas par Nintendo. Et non, ni même par Game Freak, ni même par Pokémon Company, mais par une société tierce qui a été créée et qui passe son temps à striker le contenu des tiers pour récupérer la monétisation des vidéos, un contenu qui évidemment ne lui appartient pas. Donc oui, j'étais assez en colère vis-à-vis de YouTube pour ça, parce que c'est de la réutilisation politique et de la manipulation de YouTubeurs à qui je n'en veux absolument pas, parce que c'est du droit européen et c'est flou de base, et de toute manière, à part 2-3 personnes de plus de 65 ans qui sont à la Commission européenne, personne ne comprend ce qu'ils y font là-bas, donc j'en veux pas aux YouTubeurs de pas comprendre non plus, c'est normal. Mais YouTube avait une responsabilité là-dedans en évitant justement de faire du lobbyisme, ce qu'elle a fait de A à Z. Et oui, effectivement, moi ça m'a mis en colère de voir ce qui s'est passé. Et voilà, hein, surtout que, bah, comme je t'ai dit, nous de notre côté, on n'a jamais eu vraiment de recours. Surtout que cet article 13 qui permettrait, c'est que justement, c'est plus nous les responsables. Parce que jusque-là, c'était nous les responsables du contenu qu'on posait sur YouTube. Alors effectivement, l'Europe est peut-être un petit peu trop naïve en disant que YouTube sera responsable, les hébergeurs de contenu seront responsables. Ah bah vous êtes des geeks, ça doit pas être compliqué de pouvoir faire un algorithme qui fait qu'il va pouvoir reconnaître à qui appartient quoi. Effectivement, ils sont trop naïfs parce qu'ils demandent qu'il y ait beaucoup plus de monde pour contrôler les vidéos. Sauf qu'aujourd'hui, YouTube c'est des milliers d'heures qui sont publiées chaque jour, rien qu'en France. C'est pas possible de contrôler. Effectivement, il y a un problème de ce niveau-là au niveau de cet article 13. Mais c'est pas une raison non plus pour partir sur de la propagande en utilisant les créateurs eux-mêmes, quoi. C'est rien n'est fait et rien n'est fait là dans la prochaine année, dans les 2 ans. Enfin, il y a énormément de temps et comme tu l'as dit, effectivement, c'est flou. Sauf que même nous, on verrait pas défendre une idée de base qui est floue. Alors eux, on voit très bien leur jeu derrière. C'est juste qu'ils veulent défendre leur jeu maintenant parce qu'ils savent que pour l'instant, ils arrivent à s'en sortir et que peut-être après, bah, y a quand même des risques possibles et ils ont pas envie. Le seul souci, c'est qu'ils utilisent les créateurs qui leur fournit leur propre plateforme, mais ils les utilisent complètement pour faire du lobby et pour leur faire dire des trucs faux. À partir de là, d'où t'as du respect pour les gens qui publient sur ta plateforme et qui te rapportent des sous aussi, parce que les youtubeurs qui en ont parlé, je parle en France, c'est pas que les petits non plus, bien au contraire. Donc à un moment donné, tu fais du lobby, ok, mais un minimum soit cool envers les gens qui te donnent aussi de l'argent. Enfin, j'ai trouvé ça aberrant en fait que ça se passe de cette manière-là. Mr. Flash, tu voulais t'exprimer sur ce sujet? Je pense aussi que l'hypocrisie de YouTube n'est pas passée inaperçue non plus. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça, notamment qui ont réagi au fait que YouTube devient tout d'un coup défenseur des petits créateurs et tout, alors qu'au contraire, il leur tapait plutôt dessus pour tout et n'importe quoi. Que ça soit la démonétisation de certaines vidéos historiques, juste parce qu'il y a le mot guerre ou juste parce qu'il y a une statue grecque dénudée, des détails comme ça, ou encore effectivement tous ces content ID injustes sur lesquels on a 3 ou 4 questions. Vous êtes bien sûr de vouloir aller réclamer contre ce droit d'auteur, enfin qui met vraiment la pression pour pas qu'on aille au bout de nos démarches, pour nous faire un petit peu mettre la pression et tout. Et du coup, c'est vrai que YouTube a beaucoup été critiqué sur son petit tweet, genre imaginez que vous ne puissiez plus voir votre contenu sur YouTube. Là, évidemment, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont foutus de leur gueule, forcément, parce que c'était déjà le cas. YouTube a vraiment pas été du côté des créateurs depuis un moment. Et là, il y a aussi des gens qui se retournent un peu contre ça. Donc, je sais pas si YouTube s'est pris un coup de massue ou quoi, ou s'il va changer, mais... Je voudrais juste rajouter, surtout, c'est terrible, pour montrer cette entreprise de propagande qui a été faite. On a reçu des mails de YouTube directement avec un pack hashtag sauve internet. C'est-à-dire qu'on avait un PowerPoint qui nous expliquait qu'est-ce qu'on risquait avec l'article 13 sans jamais nous donner l'accès à l'article 13, qui, cela dit en passant, est très difficile d'accès parce que même des articles comme Le Monde, Le Figaro ne sourcent jamais avec les textes officiels de la Commission européenne. On a eu ce pack-là avec tout un ensemble de polices d'écriture, un ensemble de médias à utiliser, un ensemble de vidéos, un ensemble de musique et puis un ensemble de textes retweetés par YouTube avec évidemment tous les liens YouTube à suivre, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc., pour que nous, de notre côté, on crée une vidéo avec le hashtag Save Your Internet. Voilà. On en était à ce point-là. Et je trouvais ça assez dingue quand même que ça ait été si peu soulevé. Et puis c'est marrant d'être pour les créateurs quand tu leur imposes complètement tout ce qu'ils doivent faire. Enfin, juste ça. Moi, je l'ai pas reçu. Tu l'as pas reçu. Moi, je l'ai pas reçu, je suis dégoûté. Moi non plus, mais j'étais au courant que... Moi, je le découvre, je ne savais absolument pas. Eh bien, je pense que c'est une découverte pour beaucoup de gens autour de la table et pour nos auditeurs. On va faire une toute petite pause musicale. On va écouter, Léa, tu évoquais Wikipédia dans ton introduction, ça tombe bien. On va écouter John Doe avec le morceau Wikipédia. Vous êtes de retour sur Radio Campus Bordeaux à l'écoute de On s'en tube, l'émission consacrée à YouTube et ses créateurs à l'occasion du marathon de Radio Campus Bordeaux qui se tient jusqu'à samedi midi. Restez bien à l'écoute, on a encore beaucoup d'émissions à proposer. toujours avec nous Léopold, Léa, Steven, Le Clap, Ico et Mister Flèche. Nous sommes 6 et nous sommes là pour maintenant parler encore une fois de YouTube. J'aimerais évoquer un sujet que je trouve assez important, c'est les nouvelles façons de se rémunérer sur YouTube. Depuis quelques temps, j'ai l'impression en fait que le métier de vidéaste sur Internet, c'est un petit peu devenu officiel, on va dire. En fait, il y a vraiment une officialisation de la profession. Et malheureusement, avec potentiellement les problèmes de monétisation ou les problèmes quand on a une communauté pas assez large, c'est peut-être le fait, en fait d'arriver à se rémunérer. Et j'ai l'impression que cette année, on a eu quelques solutions. Utip est apparu, du coup. Il me semble que vous trois, vous avez Utip, c'est ça? T'as pas Utip? Non, j'ai pas Utip, moi. D'accord. Mais Clap et Flash, vous avez YouTube, c'est ça? Ouais. YouTube, oui. Pas YouTube. Et il y a aussi une autre façon de se rémunérer que je trouve très intéressante, qui a un peu été popularisée, ou qui a plutôt été mise en lumière par Jour du Grenier, mais qui était aussi utilisée par la Redbox et d'autres YouTubeurs américains. C'est le fait, en fait, du sponsoring complètement assumé en début de vidéo pour arriver à financer la vidéo. C'est quelque chose d'assez nouveau, et en même temps j'ai l'impression que le sponsoring de marque pour se financer est beaucoup plus accepté qu'avant, il y a peut-être 2-3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, moi je suis d'accord. Mmh. Je suis totalement d'accord, et ça a été ça fait un moment qu'ils font ça aux États-Unis, et ça a été démocratisé, je pense, ça a été démocratisé par la Redbox essentiellement, donc Amixem, Joyka, Vodka, qui pour financer un peu leur Redbox ont bien été obligés de passer par là, parce que ça, on crée pas de l'argent en claquant des doigts, surtout pour financer un projet comme ça, pardon. Et ouais, ça a été démocratisé, c'est de plus en plus accepté. Ça a eu du mal à passer au début, mais maintenant c'est accepté parce qu'on en voit les avantages, surtout vis-à-vis de la monétisation qui est un peu irrégulière. Donc en ce moment ça va, mais demain on ne sait pas ce qui ça va pas. Il y a aussi le côté Utip qui marche très bien au début, de ce que j'ai pu voir chez mes deux compères, mais qui après a tendance à lasser, on va dire, le public qui est peut-être un peu moins présent. Mais je pense que ceux qui sont dessus vont plus en parler en profondeur. Flèche, tu voulais d'ailleurs intervenir sur le sujet. J'ai vu que tu hochais pas mal la tête. Tu utilises Utip. Oui. Quelles sont les fonctionnalités qu'on peut vraiment retenir? Justement, aujourd'hui, ils ont mis un large panel de possibilités de financement. C'est-à-dire qu'on a d'une part, évidemment, visionné une publicité contre 5 centimes. Donc voilà, on a aussi la possibilité, comme sur Tipeee, de faire un don, soit un don unique, soit un don régulier chaque mois, etc., à partir de 0,50 centimes jusqu'à une somme que l'on souhaite. Troisième truc, il y a aussi une sorte de boutique, c'est-à-dire qu'on peut proposer des articles que nous, évidemment, on a soit fait fabriquer, qu'on envoie ou comme ça. Mais il y a aussi, ils ont un partenariat avec une boutique de t-shirts, donc c'est-à-dire qu'on a juste à mettre en visuel, et on peut aussi vendre des t-shirts sur Utip, et c'est eux qui gèrent l'envoi, l'impression, etc. Et après, bon, il y a aussi la crypto-monnaie, mais bon, ça, c'est un peu mis de côté. C'est pas encore trop utilisé. Et le dernier truc, c'est l'option Fire Tipper, c'est 3€ par mois, et en fait, la personne qui est Fire Tipper, il y a 1€ qui revient à un créateur particulier, 1€ qui revient à tous les autres créateurs que la personne suit, donc partagé équitablement, et ça doit être un peu plus qu'un euro, mais il y a 50 centimes qui vont vers les frais, etc., de maintenance, etc. Donc, effectivement, il y a 5 possibilités sur Utip, et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus aujourd'hui. C'est que, voilà, si on n'a pas forcément de quoi donner et qu'on se sent prêt à regarder une publicité, on peut. Si on a des sous, on peut, comme sur Tipeee, faire un don régulier. Et aussi, on peut acheter des articles pour soutenir. Donc, aujourd'hui, ils offrent vraiment un large panel de possibilités de rémunération. Léa, tu voulais parler? Oui. Est-ce que ça vous dérange pas quand même un peu au fond que la plateforme vous rémunère pas suffisamment pour que vous soyez obligé de demander de l'argent, on va dire, même si la publicité en soi, quand quelqu'un regarde une publicité, il donne pas de l'argent, mais que la plateforme en gros demande aux utilisateurs, aux abonnés, à des gens qui sont là depuis énormément de temps, qui vous soutiennent, justement de vous soutenir aussi de cette manière-là, alors que c'est pas forcément de le faire, et que leur soutien moral devrait normalement suffire à votre projet, en fait. Alors, personnellement, ça me gêne beaucoup, c'est pour ça que je n'ai pas mis en place de Utip, et de toute manière je suis pas dans la même position entre guillemets que Clap et Flèche, dans le sens où j'ai la monétisation qui me suffit, et derrière je fais de temps en temps des sponsors pour justement faire d'autres projets que je veux. Donc le Utip en soi, j'en ai pas besoin, et si je devais chercher un autre moyen de financement, que ce soit pour, j'en sais rien moi, payer les frais incompressibles de ma boîte ou des trucs comme ça, je préférerais chercher autre chose plutôt que de demander, parce que je sais que personnellement j'ai possibilité de faire autrement. Après, je sais pas pour les autres, mais moi ça me gênerait dans mon cas. Moi, mon point de vue, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, YouTube, ça reste plus un truc à côté. Donc, l'argent que je peux potentiellement gagner avec YouTube, c'est un petit... c'est même pas un salaire. Enfin, c'est de l'argent de poche que je peux réutiliser parfois pour le matériel, mais c'est très, très rare. Donc, YouTube, pourquoi je l'ai pris, c'était pareil, dans la même optique, c'est que si vous voulez faire un petit don avec la pub, allez-y, c'est pas du tout obligatoire et surtout c'est pas non plus nécessaire parce que moi je ne me sers pas de YouTube pour vivre, donc c'est pas quelque chose que j'ai voulu rendre aussi obligatoire. C'est pour ça que j'en parle pas souvent du tout, même de YouTube. C'est juste une petite option à côté, c'est que si vous avez du temps, pourquoi pas, allez-y. Et au début aussi de ma chaîne, j'avais fait un Tipeee, et chose que j'ai arrêté très vite parce que je me suis rendu compte que bah, de un, ça marchait pas, donc il faut se rendre à l'évidence. Pour moi en tout cas, mais après que le fait de donner l'opportunité de faire des dons gratuitement en échange de un petit peu de temps, ça m'a un peu plus plu. Mais après, ça restait dans l'optique que c'est que si vous avez envie, et surtout c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a des gens qui méritent plus, que ce soit parce que pour eux c'est plus important, et surtout parce que pour l'instant j'en ai pas forcément besoin, quoi. Parce que j'ai des idées aussi de projets. Si je dois faire un projet plus important, j'essaie de trouver d'abord de mon côté, en dehors de YouTube. Donc, parce que vu que maintenant j'ai l'expérience de l'école de cinéma, je peux aussi me démerder pour trouver des trucs un petit peu plus officiels, on va dire, dans le monde audiovisuel. Mais après, le fait de demander aux abonnés et tout, ce sera vraiment un dernier recours, on va dire, à mon sens. Pour moi, j'ai l'impression que YouTube joue un peu toujours sur la jeunesse aussi, des gens qui regardent justement, qui regardent les vidéos. Le fait d'être jeune, on fait des conneries, on sait très bien. Je pense qu'il y a plein de gens, bon, moi je suis pas concernée, mais mes frères l'ont fait. Mais de prendre la carte bleue pour acheter un jeu, un truc comme ça sur les téléphones, c'est hyper rapide. Enfin, il y a juste un mot de passe à mettre et au final c'est directement connecté. Au final, YouTube c'est un peu pareil. Si tu veux donner à ton créateur, quand t'es jeune, t'es beaucoup plus dans le fanatisme un peu mauvais où tu vas vouloir tout faire pour ton créateur préféré, etc. J'ai un peu l'impression que YouTube joue beaucoup aussi sur ça, sur la naïveté de la jeunesse pour justement récupérer de l'argent, alors que bah ils pourraient peut-être eux faire un peu plus d'efforts envers les créateurs. Je suis pas si je peux m'immiscer dans le débat, je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où ces problèmes de mineurs qui donnent par exemple beaucoup trop d'argent, ça se fait. Moi j'avais vu ça sur, par exemple sur des dons live de youtubeurs que je n'évoquerai pas, mais qui du coup, il y a eu des poursuites judiciaires, il y a eu des soucis, mais je pense que vraiment le fait de donner de l'argent pour soutenir un créateur, comme ça peut se faire sur Tipeee, sur Utip, tout ça, c'est pas forcément comparable à ça, dans le sens où là en fait la personne est consciente du geste qu'elle fait, alors que par exemple c'est vrai que le fait de donner des dons, c'est souvent peut-être accompagné de quelque chose comme le youtubeur qui fait une dédicace, ou peut-être un objet à gagner comme, I don't know, un iPhone X par exemple, des choses comme ça. Ça peut arriver souvent, et j'ai l'impression que ouais, le fait en fait de soutenir quelqu'un créativement parlant, c'est pas forcément la même chose que de donner un don sur un live où la personne promet des milliers des cents. Il faut pas croire, il y a une grosse demande hein, de la part de la communauté à chaque fois. Moi, les choses ont été très claires avec ma communauté. Je ne ferai pas de Utip et je n'ouvrirai pas de Tipeee. Et ça a fait beaucoup de déçus parce qu'il y a des gens qui sont qui veulent participer au truc parce qu'ils se sentent partie prenante en fait du projet, etc. Il faut pas négliger non plus aussi ouais, cette dimension là de cette envie de donner, tu vois, juste pour remercier de ce que tu fais sur la plateforme. Ça existe, c'est une mentalité qui est plus présente je pense que les enfants qui existent aussi, qui donnent leur code carte bleue comme ça. D'accord, ah tu voulais intervenir Flash. Aussi, enfin, une manière de voir les choses, c'est de se dire que forcément bah, YouTube, on a l'habitude de consommer quelque chose de gratuit, donc on perd un petit peu En fait, on ne se rend pas compte voilà, de ce que ça implique derrière, en termes de temps, parfois aussi en termes d'argent. Et du coup, bah, quand on va voir un film, on paye notre place de cinéma, effectivement. Et quand on va sur Internet, souvent, on paye rarement quelque chose, ou alors des abonnements de plateformes style Netflix ou autre. Mais du coup, voilà, avoir cette possibilité aussi d'offrir, enfin de donner la possibilité à des abonnés ou à des gens de nous soutenir, donc de donner de l'argent, parce qu'ils, peut-être qu'ils estiment justement que ça mérite de payer pour avoir le contenu qu'ils ont, c'est une possibilité et une façon aussi de voir les choses qui existe et qui est là sur Internet. Steven, tu veux l'évoquer peut-être peut-être aussi pour conclure et sur la phrase que j'ai entendue, c'est ouais, les enfants, etc., ils pourraient donner de l'argent. En fait, j'aurais tellement voulu que YouTube se dise « Ah ouais, on va profiter des enfants. » Parce que, très franchement, tous les systèmes alternatifs, ils ne profitent pas à YouTube. YouTube, Tipeee, Patreon, il n'y a aucun argent qui tombe dans les poches de YouTube. Ils se font avoir. Les sponsoriques, c'est pareil. Même quand ils ont les moyens d'arnaquer les gens, ils n'y arrivent pas. C'est pour vous dire à quel point ces mecs-là sont incompétents. Ils ratent tout, en fait. C'est incroyable, c'est que pour vous dire, c'est que dans YouTube, ceux qui sont les plus créatifs, même pour financer les créateurs, c'est les créateurs eux-mêmes. C'est quand même terrifiant de voir ça, quoi. Juste un petit bémol. Ils ont mis en place le sponsoring sur YouTube. Alors, c'est plus que à YouTube Gaming, c'est-à-dire que maintenant, il y a un petit bouton rejoindre qui a été créé à côté du bouton abonnement, qui est un bouton de 4,99€ par mois. Sauf que je déconseille à tous les viewers qui pourraient éventuellement nous écouter de cliquer sur ce bouton rejoindre, puisque YouTube prend 50% des revenus. Ah, d'accord. Et bien sur ces informations, on va se quitter, on va terminer l'émission. Peut-être pour terminer très très très très très rapidement, parce qu'il est déjà 59, et juste après on a l'émission Artefact, une émission de débat sur l'art. On va peut-être juste conclure avec peut-être une petite information sur YouTube, un conseil de chaîne que vous voulez faire regarder, un peu de promo, un peu de plaisir, voilà. Aimons-nous, partageons notre amour pour cette plateforme et donnons à chacun un petit conseil ou une petite vidéo à regarder avant de se coucher ce soir. Alors moi, je vous conseille de regarder la vie de Walter Mitty de Le Clap. D'accord. Le Clap, d'ailleurs. Peut-être. Bah, merci beaucoup. Peut-être un conseil aussi. Bah, conseil justement par rapport à cette vidéo-là, pour ceux, les quelques personnes qui peuvent nous regarder, si vous voulez vous lancer sur YouTube, si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, parlez de votre passion. On aura beaucoup plus envie de vous regarder, de vous entendre que si vous parlez de ce que vous aimez. Et c'est bien de partager du positif sur YouTube et qu'on arrête de parler du négatif. C'est vrai. Et c'était le message écolo du jour. Une dernière personne peut-être qui veut s'exprimer, qui veut donner un petit conseil. Ah, Flèche, tu voulais... Juste à propos de l'article 13, justement, il y a la vidéo d'Héloïse Wagner de 911 Avocat, mm-hmm. Je vais y arriver, qui justement en parle. Après, justement, vu qu'elle est avocate, elle a un point de vue de juriste dans ce milieu. Donc ça peut être intéressant justement d'avoir un complément d'information sur ce sujet. Et voilà, sinon, n'hésitez pas à découvrir autre chose que les tendances de YouTube. C'est vrai, c'est un beau message, c'est une réalité véritable. On va se quitter sur ces belles paroles de Mr. Flash. On se rejoint peut-être pour l'année prochaine, pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous dis au revoir, les auditeurs, à tout à l'heure pour l'émission Rap qui sera diffusée de 6h à 7h. Maintenant, c'est Artefact. On va faire un petit interlude musical.